enfin un moment pour vous. Vous choisissez un album dans votre collection, vous sortez le disque de sa pochette, vous le posez sur la platine. C'est l'instant vinyle. Sur Blues Café Radio, avec Christian Birrell. Frédéric Bobin collectionne les prix et les récompenses depuis une quinzaine d'années. Un premier album en 2008 et depuis une carrière qui ne cesse de prendre de l'ampleur à travers la France et ailleurs, dans un registre qui n'est pas, à première vue, celui de Blues Café Radio. Parce qu'en parlant de Frédéric Bobin, ceux qui mettent des étiquettes vont d'abord parler de chansons françaises. Or, de la chanson aux folk songs, il n'y a qu'un pas. Souvent franchi avec Frédéric Bobin, dont les paroles évoluent volontiers dans des domaines humanistes, voire sociaux. En écoutant ses chansons, j'ai flairé chez l'homme des indices Bruce Springsteenesques, pour ne citer que le boss, qui me donnait furieusement envie de l'inviter dans les ondes de Blues Café Radio. Et aujourd'hui, bonheur, Frédéric Bobin est là, à côté de moi, dans le studio de l'Instant Vinyle. Bonjour Frédéric. Salut Christian. Quel plaisir de t'avoir dans cette émission. Plaisir réciproque. Merci. Et tu es venu alors avec quel album ? Alors je suis venu avec un album de Bob Dylan, qui s'appelle Blood on the Tracks, qui est sorti en 75, qui était un album, alors je sais pas si j'en parle maintenant, mais on va en parler de toute façon. Après le premier titre, ouais. Tu avais choisi Tangled Up in Blue et on va en parler juste après. Ouais, super, c'est le premier morceau de l'album. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew blue. Merci pour cette belle présentation d'ailleurs. Tu parlais des passerelles qui existent entre la chanson française et enfin mon univers estampillé chanson française et la musique folk, effectivement. Et comme je le dis souvent, j'ai été beaucoup influencé par la chanson française classique. Que j'écoutais chez mes parents, donc voilà, les gens comme Georges Brassens, Ferré, Barbara, etc., toute cette famille-là. Et puis j'ai une autre source d'influence qui se situe plus dans la musique anglo-saxonne finalement, donc avec un premier coup de cœur qui a été les Beatles. Et puis très vite, ça m'a amené à découvrir des gens comme Bob Dylan, comme Neil Young, comme Springsteen en effet, comme Leonard Cohen, voilà, toute cette musique-là. Et ça, c'est une source, des influences qui m'ont été apportées plus par mon cousin qui a une dizaine d'années de plus que moi. Quoi. Tout ça pour dire que Dylan, moi, je l'ai découvert. Alors, je l'ai vraiment découvert grâce aux Beatles pour le coup, parce que les Beatles, quand je suis rentré dedans, j'ai tout de suite lu des bouquins sur eux, et puis très vite, le nom de Bob Dylan apparaissait en tant qu'influence même des Beatles, évidemment. Et ça m'a intrigué, et puis je l'ai découvert d'abord sur une petite cassette qui était une compile, qui est juste ici, d'ailleurs je vois, elle est chez toi, enfin en vinyle tu l'as, et c'est un Greatest Hits, avec une dizaine de titres plutôt de ses débuts, et je suis tombé là-dessus, et ça m'a complètement, il y a eu une vraie révélation en fait. Avec la voix de Dylan, son phrasé, et puis sa mélodie, musique, ses mélodies. Ses chansons sont très souvent reprises, c'est pas pour rien. Exactement, exactement. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. C'était Tangled Up in Blue, Bob Dylan. Alors Frédéric Bobin, pourquoi as-tu choisi cette chanson en particulier ? La première fois que j'ai écouté cet album, donc c'était ce morceau-là bien sûr, qui ouvre donc l'album. J'ai été frappé par le climat en fait de la chanson. C'est une chanson qui est plus scandée que chantée, je trouve. Enfin, il y a un côté vraiment très intense en fait dans l'interprétation. Il y a une espèce de presque de rage d'ailleurs, je trouve. Qu'on retrouve aussi dans un autre morceau qui est sur la face A aussi, qui s'appelle Idiot Wind. Et Tangled Up in Blue, c'est un peu différent, c'est une chanson d'amour qui est très intéressante d'ailleurs dans la narration, dans le texte aussi, parce qu'il y a des changements de personnages, des changements de point de vue dans le texte, et des changements de temporalité aussi, c'est très très intéressant. Et ça a été, l'écriture de Dylan a évolué à cette période-là, parce que je me suis renseigné sur cet album, comme je l'adore. Et Dylan avait pris des cours de peinture en fait, des cours de dessin auprès d'un super peintre new-yorkais, et il lui a appris à changer de point de vue sur les choses en fait pour peindre, et ça s'est ressenti dans son écriture, et dès cette chanson d'ouverture on a cette nouvelle façon d'écriture, ce nouveau style littéraire dont s'empare Dylan en fait. Et voilà, et puis pour en venir au climat musical, c'est vrai que ça me fait l'effet d'un ouragan un peu cette chanson. Ça commence, on est dans le vif du sujet tout de suite, et c'est très très intense, très très beau. On écoute un autre titre ? Oui. Simple Twist of Fate. C'est ma préférée. Magnifique chanson d'amour qui parle d'une rencontre qui n'a pas eu lieu au bon moment. Quoi. C'est deux personnes qui se ratent en fait. Et c'est bouleversant, c'est une chanson sur le destin, hein, comme son nom l'indique. Puisque ça veut dire un simple coup du sort en français, Simple Twist of Fate. Et pareil, on retrouve encore cette technique avec... la chanson commence par une description il et elle, et puis ça finit par je, quoi. Donc c'est vraiment très beau, je trouve ça me plaît beaucoup. Et pareil, la mélodie est fantastique, et que dire de l'interprétation qui sort des tripes, on le sent, qui est très habitée en fait, ouais. Très très beau, et puis une chanson très dépouillée, très épurée. Une guitare, une basse et l'harmonica. puis surtout la voix, quoi, la voix de Dylan. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks. Walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate. Vous êtes dans l'instant vinyle sur Blues Café Radio. Sans doute un des albums où il se met le plus à nu. Ah oui, complètement. Mmh. Bah, je dirais même que c'est l'album où, dans lequel ouais, il se, bah, comme tu le dis, oui, il se met à nu, il se révèle. C'est un album à vif. Qu'il a écrit en pleine rupture, je crois. Oui, je crois. Hein. Donc, il est beaucoup question d'amour, de rupture, de douleur. Blood on the Tracks, comme son nom l'indique. Le prochain morceau que tu as choisi, c'est You're a Big Girl Now. C'est la troisième chanson de l'album. Là, on fait dans l'ordre pour l'instant. Ouais, c'est une balade très très belle aussi, un peu plus apaisée que les deux précédentes. Il y a une sérénité qui se dégage de de cette chanson. Très belle mélodie, très beau climat aussi musical avec une batterie hyper fine, hyper douce. Et ce qui est assez intéressant dans cet album, t'es sûrement au courant, mais c'est un album en fait qui a été fait en deux fois. L'album, c'est le résultat vraiment de deux sessions. Une première session où Dylan a enregistré des guitares-voix avec juste une basse en plus. Donc vraiment des chansons dans des versions très épurées, oui, d'ailleurs, très dépouillées. Il me semble qu'à l'époque, c'était un, entre guillemets, un retour à l'acoustique. Exactement. Parce qu'il avait... Il y avait une grosse période quand même électrique jusque-là. Oui, avec tout à fait, notamment avec The Band. Tu sais, il avait fait un album qui s'appelait Planet Waves. Et après, c'est vrai qu'artistiquement, Dylan, il était quand même... il cherchait son second souffle, quoi. Depuis quelques années, il sortait des albums quand même très moyens. Et c'est vrai que c'est l'album un peu du retour quand même de Dylan. Et donc, effectivement, il y a tout l'album. Il l'enregistre d'abord donc, en guitare-voix et basse, donc de manière très épurée à New York. Et l'album part en mastering comme ça, quoi. Dylan reçoit le test master, et chose je pense assez unique en fait dans la carrière de Dylan, qui est réputé quand même pour plutôt faire des albums très vite et ne pas se retourner sur ce qu'il a fait et toujours avancer. Et là en fait il demande à temporiser avant de sortir l'album dont la sortie était imminente. Donc là il stoppe tout et il met en place une autre séance quelques mois après qui va se passer à Minneapolis sous la houlette de son frangin et surtout avec des musiciens. Donc il reprend la moitié de l'album, et donc ça donne un album justement qui a sans cesse, je trouve, deux climats comme ça. Donc il y a le climat Tangled Up in Blue dont on parlait tout à l'heure, donc très, quand même, je vais pas dire très arrangé, mais en tout cas avec un groupe où on sent que ça joue live et qu'il y a une intensité comme ça, une énergie, et puis des morceaux plus épurés qui sont très à vif aussi, comme Simple Twist of Fate. Donc c'est très intéressant, je trouve, de noter ça. Moi je l'ai appris bien après avoir découvert l'album et avoir aimé l'album, mais ça éclaire, je trouve, ça donne un éclairage intéressant en fait sur l'équilibre en fait de l'album, sur l'alchimie entre tous les 10 morceaux. To quote a phrase, you it's a price I have to pay. You're a big girl all the way. A change in the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a vein that stops and starts. Like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart. Ensuite, dans la liste, oui, nous avons Idiot Wind, dont nous avons oui, un petit peu déjà parlé. C'est une chanson qui est impressionnante, qui est assez longue. C'est une des plus longues de l'album. Je pense qu'elle dépasse, je sais pas combien elle fait. Elle fait 7 minutes, je crois. Enfin, elle est assez longue. Et c'est une espèce de, ouais, une chanson vengeresse, quoi, une espèce de diatribe comme ça. Je trouve que c'est une chanson qui rappelle l'esprit de Like a Rolling Stone. Je trouve qu'elle a quelque chose en commun avec voilà, des titres assez longs, où il n'y a pas d'évolution musicale. Finalement, ça commence à fond et puis ça continue à fond. C'est comme un train, comme ça. En fait, c'est comme un train qui est lancé. Et en même temps, on voit pas le temps passer. Et en même temps, voilà. Et même quand on ne comprend pas, ce qui était mon cas quand j'ai découvert les chansons, après, je me suis penché sur les textes dans un second temps. Mais effectivement, on ne voit pas le temps passer. Quoi. Et ça, c'est la magie d'Ilan quand on rentre dedans. Il y a plein d'exemples dans sa discographie. Ouais. Tu parlais de Desire. Comment là, c'est Hurricane, non, Hurricane, ça... bien voilà, sûr. Elle est très longue. Très longue, mais complètement. Elle pourrait durer toute la phase, quoi. Mais complètement. Allez, on écoute un extrait de Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they kill them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Oh, story of the hurricane. The man the authorities gave to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been a champion of the world. Mais effectivement, on voit pas le temps passer, quoi. Et ça, c'est la magie d'Ilan. Ça tient à une espèce d'intensité, d'énergie dans l'interprétation, en fait, où on a l'impression que Dylan joue sa vie sur chaque mot, presque. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Avec un phrasé toujours très inventif, qui est pas du tout mécanique, qui est très libre, et en même temps qui est toujours dedans, avec beaucoup de feeling. Et qui tombe, les mots tombent sur les temps, enfin ça sonne, ça claque. Ouais, ouais. Y a un artiste qui a priori a rien à voir, c'est Chuck Berry. Hey. Mais il a en commun avec Chuck Berry, c'est ce génie de la scansion, placer les mots comme ça, complètement, d'une façon qui tout de suite percute et très musical. Ah ouais, un talent fou aussi pour ça. Ouais. Et je trouve que sur cet album dont on parle, là, sur Blood on the Tracks, il y a quelque chose quand même d'assez unique dans la discographie de Dylan, dans son chant, c'est que il y a souvent des syllabes qui l'étirent, vraiment. On va s'en rendre compte dans les extraits, mais il y a des syllabes qui claquent et puis il y a des syllabes qu'il va étirer vraiment. Il va les jeter comme ça et je trouve que c'est très beau, du coup, ça sonne terriblement bien, quoi. J'aime beaucoup ça. Someone's got it in for me. They're planting stories in the press. Whoever it is, I wish they cut it out quick. But when they came to me, I can't help it if I'm lucky. People see me all the time and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts. Even you, yesterday, you had to ask me where. Chestnut mare shoot through my head and I'm making me see stars. You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes, blood on your saddle. Yeah, you win. Cut. nous allons maintenant écouter un titre qui s'appelle « If you see her, say hello ». Waouh, quelle chanson. Belle, hein, c'est beau ça. Balade magnifique, qui est toute simple. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. Moi aussi. Moi aussi. Alors c'est vrai que chez Dylan, souvent quand même dans les textes, il y a quelque chose de, qui peut être sophistiqué, on va dire. Voire nébuleux ou flou parfois, ou symboliste, tu vois ce que je veux dire, enfin, oui, suivant les périodes, effectivement, il s'est amusé aussi à faire ça. Ouais. Exactement, et puis là, particulièrement... Des paroles qu'on peut interpréter de diverses façons. Très ouvertes, du coup. Mais pas poétique, parce qu'il y a beaucoup de poésie aussi chez Dylan. Dylan était un fou d'Arthur Rimbaud, bien sûr, et on sent ça, je trouve, dans sa poésie, dans ses textes. Et c'est le cas aussi donc, sur la plupart des morceaux de Blood on the Tracks, je trouve. Mais sur cette chanson-là, If You See Her, Say Hello, il y a une simplicité, je trouve. Que c'est une chanson d'amour où il s'adresse à un ancien amour, quoi. C'est super beau et c'est tout simple, quoi. Il y a des images magnifiques, la mélodie est pareille, c'est super fluide. C'est vraiment une de mes plages préférées de l'album. If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm all right. Though things get kind of slow, she might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. Just learn to turn it off. Either I'm too sensitive or else I'm getting soft. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart. They all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Nous sommes toujours avec Frédéric Bobin, nous écoutons l'album Blood on the Tracks de Bob Dylan. Quel bonheur d'écouter cet album et quel immense plaisir d'écouter Frédéric Bobin en parler. Merci. Passionnant, vraiment passionnant. Alors maintenant on va écouter Shelter from the Storm. Pareil, c'est une poésie

Et tu pensais à quoi d'autre vraiment? En fait, je connais pas. En fait, Dylan, il a fait un album qui s'appelle Vise le ciel, qui est Cabrel. J'ai dit qui? T'as dit Dylan. Dylan. Alors Dylan a adapté Cabrel. Dylan a fait un album en français que personne ne connaît, mais dont Frédéric Bobin a un exemplaire. En fait, il a adapté Cabrel. Samedi soir sur la Terre. Bon, on va couper au montage. Non, mais c'est drôle. Alors, mais, donc, t'imagines le truc. Saturday Night on Earth. Donc Cabrel, bah oui, merci de rectifier. Cabrel a sorti il y a quelques années un album uniquement consacré à l'œuvre de Dylan. Donc il fait des adaptations, quoi. Et bon, alors il y a des choses sympas, mais globalement j'ai pas été complètement convaincu. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Et puis c'est comme toujours avec Cabrel, c'est bien foutu, c'est bien fait. Ah puis t'es très fan de Dylan, donc c'est ça aussi. Voilà. C'est une certaine exigence après. Ouais. C'est vrai que, comment dire, moi chez Dylan, ce qui me touche notamment, c'est le côté intense et sale, si tu veux. Il y a ça chez Dylan, le côté crade. Organique. Organique, tout à fait, qui sort des tripes. Et Cabrel, c'est vraiment pas ça. Donc c'est autre chose. Il nous propose une vision d'un Dylan poli, on va dire, polissé, quoi. Donc c'est autre chose. Et c'est bien, c'est sa vision et c'est cool. Mais moi, j'avais pas été complètement embarqué par ça. Mais sur l'un de ses albums précédents, qui s'appelle Les Beaux Dégâts, qui est un album que j'aime bien de Cabrel. Il y a cette chanson de Dylan, donc Shelter from the Storm, qu'il a adaptée. Et moi, je trouve avec beaucoup de bonheur, quoi. Enfin, c'est une super traduction. Et ben là, on va écouter l'original. C'est une super chanson, bien sûr. T'was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Voilà, l'émission avance. Cette émission, on écoute avec ravissement Blood on the Tracks, un des plus fabuleux albums de Bob Dylan. Alors, Frédéric Bobin, donc tu as choisi cet album, ça a été, j'imagine, très douloureux pour toi d'en choisir un. Quand il m'a proposé, ça a été un crève-cœur, tu veux dire. Bon, va falloir que tu reviennes dans cette émission. Écoute, et puis, avec plaisir. Quels étaient les autres albums de Dylan auxquels tu... Ouais, c'est une bonne question. Écoute, moi j'ai une sorte de carré d'as comme ça, j'ai quatre albums préférés de Dylan que je mets très haut dans sa discographie. Donc il y a évidemment ce Blood on the Tracks. Dans les années 60, mes deux préférés c'est Highway 61, oui. Revisited, oui. L'album où il y a Like a Rolling Stone, oui. Il y a Ballad of a Thin Man, il y a Desolation Row, oui. Qui est incroyable. Et puis Blonde on Blonde, j'aime beaucoup. Oui, Blonde on Blonde, bien sûr. Il y en a un que j'aime vachement aussi, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, Free Willing Bob Dylan, qui incarne plus sa période, pour le coup, très folk, très Woody Guthrie encore. Oui, très protestant. Exactement, exactement. Alors que les deux autres dont je parlais, Highway et Blonde on Blonde, c'est, on est plus dans le folk rock, là, on est plus dans quelque chose d'étincelant. Et donc, et le dernier album aussi que j'ai vraiment failli choisir à la place de Blood on the Tracks, c'est un album qui est plus récent, qui s'appelle Time Out of Mind, qui est un album fabuleux, qui a été produit par Daniel Lanois, producteur, musicien. Il avait produit chanteur. Aussi Oh Mercy, je crois. Exactement, ouais, que j'aime beaucoup aussi, Oh Mercy. Most of the Time, il y avait ça aussi. Exactement, super. C'est un super artiste, Daniel Lanois aussi. Et donc, il a produit ce Time Out of Mind qui date de 97, je crois. L'album Time Out of Mind est important aussi pour moi parce que quand j'ai découvert Dylan, il sortait Time Out of Mind. Donc, ça a accompagné un peu ma connaissance et ma découverte de son œuvre. Donc, c'est un album qui m'est très cher aussi. C'est un album qui est très typé blues finalement, mais où il modernise, je trouve, le blues. Quoi. Il en fait une lecture assez nouvelle et tout en puisant dans les racines. En fait, c'est un album magique aussi parce que il est sorti à l'ère du CD, mais quand on met le CD sur la platine, on a l'impression de mettre un vinyle. En fait, c'est un truc de dingue. Non, mais c'est vrai, c'est un truc complètement qui sonne très analogique. Donc, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est hallucinant et c'est un album. Ça, c'est le talent de Daniel Lanois. Ah, mais c'est hallucinant. Ouais. C'est un album qui contient des chansons magnifiques aussi, qui contient l'une de mes préférées qui s'appelle Not Dark Yet, chanson magnifique et l'album se termine sur un long blues de plus de 10 minutes qui s'appelle Highlands, qui tourne en boucle. Pareil, c'est une chanson très longue et pareil, on voit pas le temps passer. Le texte est magnifique et ça nous emmène très très loin, très très haut. Mais on n'est pas là pour parler de Time Out of Mind. Voilà, vous tu êtes me demandais sur... simplement. Vous êtes sur Blues Café Radio. Vous découvrez l'univers de Bob Dylan, des dizaines d'albums. Vous ne saviez pas par lesquels commencer. Eh bien, grâce à Frédéric Bobin, vous avez le carré d'as et même le cinquième en bonus. Ouais. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Gainbury. I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet. De retour avec Christian Biral pour l'instant vinyle. Alors Frédéric Bobin, tu as parlé du talent de Bob Dylan pour l'écriture, pour le chant aussi. En premier lieu, c'est ça qui m'a chopé au début en fait, c'est son phrasé. Oui, c'est d'ailleurs qui lui a valu d'être remarqué très très vite, hein, dès son premier album. Exactement. Et même avant d'enregistrer son premier album, ouais. Quand il a été remarqué par John Hammond, je me souviens. Exactement. Ouais. Et donc oui, Dylan a apporté énormément de choses, c'est clair. Et est-ce que tu penses que ça a pu t'influencer dans ton propre univers ? Sans doute. C'est toujours difficile de mesurer, d'évaluer l'apport de tous ces grands artistes qu'on écoute. Je parlais de Brassens tout à l'heure, il y a Gainsbourg aussi, des gens comme ça, Souchon en chanson française, et puis les Beatles, Dylan. C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il m'a influencé peut-être sur ma façon effectivement de poser ma voix sur des rythmiques et sur le feeling peut-être d'un phrasé. Moi, je suis très très sensible à ça en fait. Et puis sur certains thèmes peut-être aussi. Oui, alors musicalement, effectivement, je suis toujours à la recherche, si tu veux, d'une simplicité, d'une épure harmonique même. Enfin, moi, je cours après une chanson parfaite qui serait très simple, où il y aurait deux, trois accords, qui aurait quelque chose d'ancestral finalement, qui viendrait du fond des âges. Et moi, je trouve que Dylan, il a complètement ça en fait. Il a complètement ça dès ses premiers albums, dès Blow in the Wind. On est dans dans des choses ancestrales, dans le folklore. On a l'impression que c'est des chants traditionnels parfois. Exactement. Hein. Et ça me touche beaucoup en fait. J'ai l'impression que Dylan, il fait clairement partie d'une lignée. Il puise vraiment son inspiration dans une source qui est très très ancienne en fait. Et très riche. Et très riche. Et il en fait quelque chose de très personnel, grâce notamment, selon moi, à son phrasé et à son timbre de voix. Ouais. Il y aura des hommes, il y aura des villes en flammes, des tours de Babylone, des forêts de napalm. Il y aura d'autres croisades, il y aura d'autres prisons, il n'y a qu'à changer les dates, il n'y a qu'à changer les noms. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des représailles, des peines maximum et des nuits de cristal, des guerres de 100 ans, des guerres de 6 jours, des fontaines de sang et des comptes à rebours. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Il y aura des hommes, il y aura des filles maudites, des routes qui mènent à Rome, des couleurs interdites. Il y aura des kamikazes et la loi du talion. Il y aura de l'eau dans le gaz, des gazelles et des lions. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Mais pour un seul prophète qui fait trembler les murs, et pour un géranium qui pousse dans les charniers, tant qu'il y aura des hommes, on pourra espérer. Mmh. Mmh. Mmh. aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Nous venons d'écouter Frédéric Bobin chanter « Tant qu'il y aura des hommes » en duo avec Kent. Nous revenons à Bob Dylan dans « Blood on the Tracks ». On écoute un dernier titre, « Buckets of Rain ». Oui, c'est tout simplement le dernier, la dernière chanson de l'album. Des sauts de pluie. Ouais, c'est magnifique ça, le texte est magnifique. Et je trouve que ça se finit quand même sur un climat assez serein. Alors que l'album a quand même, on a eu l'impression de traverser des orages, des turbulences en fait. Et l'album se termine certes sur une note plutôt douloureuse, avec ses sauts de pluie. Mais je trouve que voilà, la chanson, l'interprétation est plutôt sereine. C'est une très belle fin, je trouve, de l'album. C'est vraiment une super mélodie, en fait. Ça rappelle un air irlandais, je crois. En fait, c'est très hérité du folklore, la tradition de la Bob folk Dylan song. Bob Dylan était très, très fort pour inclure comme ça des influences folk, country, Americana, tout ça dans le rock. C'est lui qui a apporté tout ça. T'as cité en début d'émission Leonard Cohen, des gens comme ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait eu Leonard Cohen sans Dylan? C'est vrai que Cohen, c'est légèrement après. Voilà. Neil Young aussi. T'as parlé de son influence sur les Beatles. Dylan a une influence énorme. Bien sûr. Sur Lennon, notamment. Ce Buckets of Rain, c'est marrant que tu dis ça, mais il m'a toujours fait penser à un morceau de John Lennon, en fait, qui s'appelle John Sinclair. Je sais pas si tu connais ce morceau, et c'est un peu la même mélodie, quoi. Je trouve il y a une vraie passerelle entre les deux morceaux. Donc voilà, donc ça met le point final à Blood on the Tracks. Merci Frédéric Bobin. Merci Christian. C'était encore une fois, je vais le redire, mais c'était vraiment un immense plaisir, cette émission. Très partagé. Merci. Et on se reverra pour une prochaine. Avec plaisir. Merci Christian. Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand. I've been meek and hard like an oak. I've seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. Fingertips. I like the way that you move your hips. I like the cool way you look at me. Everything about you is bringing me misery. But I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with me, honey, baby, when I go. Life is a bust. All you can do is do what you must. You do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell? À bientôt pour un prochain Instant Vinyle. Sur Blues Café Radio avec Christian Birail.